France Culture, il est 16h. Tout de suite, Continent Science, Stéphane Déligeorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. En ouverture de tous les rendez-vous scientifiques, tous les jours, dans la série Culture Science, toujours en direct de la maison de la radio, de la maison ronde, sous la pluie aujourd'hui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Notre thème aujourd'hui, eh bien, nous emmenons les mathématiques au tribunal, où nous regardons les tribunaux quand arrivent les mathématiques, et ça, sous la houlette de deux auteurs, Leila Schneps et Coralie Colmès, qui ont écrit un ouvrage qui s'intitule tout simplement « Les mathématiques au tribunal », mais dont le sous-titre est d'importance. C'est le suivant, « Quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires ». Mais évidemment, et malgré la pluie, nous n'allons pas tromper notre habitude. Et donc, tout de suite, la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un faucon, un oiseau, un faucon. Plus précisément, le faucon d'Éléonore, alias Falco Elenore. C'est un rapace migrateur peu commun, nichant en colonie sur certaines îles méditerranéennes et sur quelques points de la façade atlantique, comme les îles Canaries ou le Maroc. Ces faucons d'Éléonore hivernent aussi sur plusieurs îles de l'océan Indien. Et en dehors de la saison de reproduction, ce faucon d'Éléonore est essentiellement insectivore. Il se reproduit tard dans l'année, de juillet à octobre, pour profiter du passage des oiseaux migrateurs, des passereaux, des martinets, des huppefaciers, qui représentent alors les principales proies des adultes et aussi des poussins. En 2014, lors d'une étude sur le terrain dans le cadre de l'initiative PIM pour Petites Îles de Méditerranée, des ornithologues ont observé un comportement inhabituel chez certains faucons d'Éléonore adultes. Et cela, au sein de la colonie installée dans l'archipel marocain de Mogador. C'était l'une, et c'est l'une, des plus grandes du monde, puisque là, on y trouve quelques 866 nids, et qui ont pu être ainsi comptés en juillet 2014. Les ornithologues ont constaté que le faucon d'Éléonore gardait en vie une partie des proies capturées, les gardait donc en vie, soit en les plaçant dans des fissures relativement profondes, après leur avoir au préalable arraché leurs plumes du vol, c'est-à-dire celles des deux ailes et aussi celles de la queue, ou bien en les coinçant dans des trous étroits et profonds. On se doute que ces proies semblaient totalement terrifiées. Cherchant bien sûr la moindre occasion de s'échapper, mais malgré la dureté, l'implacable cruauté, si l'on peut dire, de ces observations, il convient de ne pas porter de jugement de valeur, puisque beaucoup de prédateurs, l'homme compris, bien évidemment, conservent leur proie vivante. Reste que c'est la première fois que ce mode de prédation est observé chez cette espèce et plus généralement chez un rapace. Il s'agit probablement d'un mode, entre guillemets, de stockage de la nourriture. En effet, une proie conservée vivante durant un ou deux jours, la période précise n'est pas encore connue, cette proie reste fraîche et ne se dessèche pas. Elle constitue donc une source de nourriture plus riche et plus intéressante. Et il est aussi possible qu'il donne aux jeunes faucons l'occasion, toutes ces proies, de tuer eux-mêmes leurs proies. Les auteurs de l'étude ont constaté que ce comportement se reproduisait avant même l'éclosion des œufs. Ce comportement était connu depuis des décennies par un pêcheur local qui séjourne plus ou moins régulièrement dans cet archipel de Mogador. Et cette technique rappelle dans une certaine mesure celle des pigrièches qui, elles, empalent leurs proies vivantes sur des épines ou sur des fils barbelés qui courent le long des prés. Sur cet exemple cruel de comportement prédateur, quel Ésiope contemporain pourrait tirer quelques fables devant la très exacte horreur du monde contemporain. Bonjour Leïla Schneps. Bonjour. Bonjour Coralie Colmeuse. Bonjour. Alors, on va peut-être commencer par essayer de savoir ce que vous faites. Vous êtes mathématicienne, Leïla Schneps. Vous êtes mathématicienne dans quelle partie ? Je suis chercheuse au CNRS, je suis à l'université de Paris 6 et en fait je m'occupe dans la vraie vie, si on peut dire, de mathématiques pures, de géométrie algébrique, de théorie des nombres. Ah, donc le continu pour la géométrie et comment on va dire pour la théorie des nombres ? Le discret. D'accord, le discontinu. Et vous, Coralie Colmes, qui venez d'Angleterre où vous viviez ? Vous êtes dans les mathématiques ? Vous avez commencé par les mathématiques ? J'ai fait des études de mathématiques à l'université et donc j'habite maintenant à Londres où j'ai monté ma propre boîte avec mon mari. Ça, c'est dans l'éducation. Donc j'utilise, on va dire, mon cerveau logique mais pas tout à fait les mathématiques. Alors on verra aussi qu'à partir de cet exemple, à partir des exemples tirés de cet ouvrage, eh bien, vous apportez d'une certaine manière la bonne parole sur la mésinterprétation ou la mésutilisation des mathématiques. Alors comment l'une et l'autre avez-vous eu l'idée de ce projet ? C'est d'abord l'indignation devant certains jugements qui ont été tout à fait iniques par rapport à une démonstration mathématique mal interprétée. En fait, je me suis toujours intéressée au crime, mais en fait, avec Coralie, on se passionnait toutes les deux pour les romans policiers, on en lisait beaucoup. J'en ai même écrit quelques-uns. Mais je suivais aussi des véritables procès. C'est quelque chose comme un hobby, ça m'intéressait. À la maison, chez moi le soir, je suivais des procès. Et lors d'un des procès dont on va parler tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a des mathématiciens, des statisticiens en l'occurrence, qui se sont mêlés et qui ont commencé à peser sur le déroulement des événements. Et j'ai commencé à ressentir une véritable jalousie. Je me suis dit, moi, avec mes maths pures, je peux rien faire d'utile, alors que ces gens font quelque chose qui est vraiment utile. Et tout d'un coup, j'ai compris que je sais écrire, en fait, et que je peux faire quelque chose d'utile. Je peux vraiment partager ces histoires avec un grand public qui a, je pense, vraiment besoin de savoir. Donc, j'ai proposé à Coralie de faire ça ensemble avec moi. Et vous, Coralie, il y a des cas qui vous intéressaient au préalable de cette décision d'écrire à quatre mains cet ouvrage avec votre mère ? Oui, il y avait quelques cas dont j'avais déjà entendu parler, mais en fait, j'ai surtout beaucoup aimé faire la recherche, trouver justement des nouvelles histoires, trouver des documents, appeler une librairie au fin fond de la Californie pour trouver les documents, ce genre de trucs, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Alors ce que on peut peut-être se proposer, ou en tout cas c'est ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer rapidement, mais de retenir sur le premier cas, parce que c'est le premier moment, le premier instant, où on voit une mésinterprétation évidemment des mathématiques, et qui est un cas très compliqué d'ailleurs, parce que il est appuyé sur un syndrome. Peut-être Coralie, pouvez nous rappeler le grosso modo en quelques mots ce premier cas qui donc concerne une histoire de mort subite du nourrisson d'une certaine façon. Oui, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui s'est passé assez récemment en Angleterre justement. Donc quand je parle du livre en Angleterre, d'habitude les gens se souviennent de quand ça s'est passé. C'était une très grosse histoire là-bas. Et donc c'est une femme qui s'appelait Sally Clark, dont deux bébés sont morts subitement, de ce qu'on appelle la mort subite du nourrisson. Mais la mort subite du nourrisson, ça veut juste dire que les docteurs n'ont pas trouvé de cause de la mort. Et vu que deux de ses enfants étaient morts comme ça, elle a été accusée de les avoir tués. Et l'expert à son procès, Sir Roy Meadow, il avait passé toute sa vie à étudier des cas de mères qui maltraitaient leurs enfants, et il avait, on peut dire, inventé ou découvert, selon ce qu'on pense, ce syndrome. Donc il appelait le syndrome de Munchausen by proxy. Ouais, c'est ça. Voilà. Par délégation, d'une certaine manière. C'est-à-dire, voilà. Oui. Bon, tout le monde se souvient du baron de Munchausen qui se tire sur les élastiques de ses chaussures pour contrarier la gravité. Donc, c'est évidemment là pris dans le sens de quelqu'un qui fabule, un affabulateur. Donc, c'est ça, grosso modo, le syndrome. C'est quelqu'un qui met les gens dans le danger. Très souvent parce que comme ça, il court vers le médecin. Exactement, ils ont l'impression d'être au milieu de tout ce qui se passe, au milieu de tous les événements. Et il faut donc quelqu'un qui ne peut pas se battre contre ça, donc c'est en général un enfant ou une personne qui ne peut pas se défendre. Donc voilà, c'est de ça que Sally Clark avait été accusée. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, peut-être que vous pouvez la relayer, votre fille, Leila Schnepps. Lors du procès, donc, le jury s'est trouvé confronté à deux équipes, la défense et l'accusation, donc, qui avaient comme témoins uniquement des médecins de part et d'autre. Donc, les médecins du côté de la défense disaient que ces enfants n'avaient aucune trace de violence ou de maltraitance. Et les médecins de l'accusation disaient qu'il y avait d'infimes traces, effectivement, mais qui pouvaient éventuellement indiquer une maltraitance. Par exemple, ils ont relevé une côte cassée sur l'un des bébés, mais à peine fracturée, hein, pas une vraie cassure, mais qui a été attribuée par les avocats, par les médecins plutôt de la défense, au fait que le père avait essayé de ressusciter le bébé avec des gestes qu'il avait appris après la mort du premier bébé. Et le jury n'a pas... C'est extrêmement difficile pour un jury de trancher. Et donc, finalement, l'accusation a appelé ce Sir Roy Meadows comme témoin expert, qui, lui, a parlé statistique. C'est lui qui a introduit l'élément statistique et pas purement médical dans ce procès, en sortant une étude où on analysait la fréquence de mort subite de nourrissons dans le public général. Et il a dit que dans la classe sociale et avec les conditions de famille de Sally Clark, la fréquence était à peu près de 1 cas sur 8500 enfants. Et là, il a dit, là, il y a deux enfants qui sont morts, donc il faut prendre 1 sur 8500 et le mettre au carré. C'est là vraiment la très grande erreur, parce qu'il a multiplié la probabilité d'un événement avec la probabilité d'un autre événement. Enfin, c'est deux fois le même événement mort subi d'un bébé. Alors qu'on ne peut pas multiplier deux probabilités de deux événements différents que si ces événements sont totalement indépendants l'un de l'autre. Mais la mort subite de nourrisson est simplement une mort inexpliquée. On ne sait absolument pas que les événements sont indépendants. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un événement qui se produit purement par hasard. Ça peut être héréditaire, ça peut être génétique. En fait, il y a beaucoup de causes. Bien sûr. Et ce médecin savait fort bien qu'il y a des causes différentes qui influent. Mais... je ne pense pas qu'il a fait non plus par méchanceté. Il s'est trompé parce que ce n'était absolument pas un mathématicien, un statisticien. C'était un médecin. Mais on n'a jamais appelé un vrai mathématicien pour rectifier l'information qu'il donnait au jury. Alors ce qu'il faut retenir évidemment, c'est qu'il ne faut pas multiplier donc deux probabilités si on n'a pas la certitude absolue qu'elle soit totalement indépendante. Il y a un bon l'exemple est assez clair au tout début puisque il mobilise cinq phrases pratiquement. Quand on considère une femme enceinte, elle a une chance sur deux d'avoir une fille. Voilà. Bon, et ensuite, et on va peut-être comprendre qu'est-ce qui se passe si ensuite elle a deux bébés consécutivement. Qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, les deux événements sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc, si elle a déjà une fille, la chance qu'elle ait une fille pour le deuxième enfant, c'est toujours de 1/2. C'est ça. Et si, d'un seul coup, voilà une femme enceinte qui a des jumeaux? Alors, si les jumeaux sont identiques... Et des jumeaux vrais. Voilà. Si des jumeaux sont identiques, ce qui se voit par échographie, par exemple, eh bien là, il n'y a plus aucune chance d'avoir une fille et un garçon. Cette chance est exclue. On sait bien que les deux enfants vont être soit deux filles, soit deux garçons. Donc, sachant que la première est une fille, on sait pour sûr que la deuxième va être une fille. Donc, parce que jumeaux identiques sont dépendants l'une de l'autre, le type génétique est identique, il n'y a plus d'indépendance dans ce cas-là. Il ne faut absolument pas multiplier et dire la chance d'avoir deux filles est donc 1/2 fois 1/2, donc 1/4. Si on a deux jumeaux identiques, c'est 1/2, parce qu'on a soit deux filles, soit deux garçons. Et oui, bien sûr. Alors, on peut dire aussi, là, je jette ça de façon très, très approximative, mais on peut avoir cette considération d'ordre général, vous allez me dire l'une et l'autre si vous êtes d'accord, c'est que quand on fait ce type d'erreur, on tombe sur de très grands chiffres, en particulier, il y a à un moment, un certain cas, où on trouve pratiquement la population mondiale, hein, de quelques 7 milliards d'habitants, et là, ce qui joue, c'est que l'argument qui joue pour ceux qui se trompent, c'est de dire, mais attendez, si ce type est arrivé sur un vélo qui soit un tandem, cette probabilité est tellement faible. On l'a vu sur un tandem, c'est lui le coupable. Oui. Voilà. Oui, oui. C'est une erreur très connue qui est arrivée dans beaucoup de procès. Elle est tellement familière maintenant qu'elle n'arrive plus lors des procès. Mais on le lit quand même très souvent dans le journal. On dit par exemple, cette trace d'ADN qui correspond à l'accusé appartient à une personne sur 1 million dans la population générale. Ça veut dire, mais c'est là l'erreur, qu'il y a une chance sur 1 million qu'il est innocent. Et ce n'est pas du tout la même probabilité, en fait. Et oui, ça, c'est une erreur qui a fait son chemin et que, heureusement, maintenant, au sein des procès, on est en train de la reconnaître. Mais il y en a beaucoup d'autres. Oui, on va le voir tout de suite d'ailleurs, parce que maintenant, évidemment, les gens sont informés, mais ils se persuadent facilement qu'ils ont affaire à deux séries indépendantes, alors que, évidemment, elles ne le sont pas et elles ont des points de conjonction. Donc, ça ne marche pas. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Donc, suite de ce rendez-vous de Continent Science, toujours avec les mathématiques au tribunal et toujours en compagnie des deux auteurs de cet ouvrage, Leïla Schneps et Coralie Colmès. Je vous propose, Coralie Colmès, de prendre un cas qui est le second dans l'ordre. Et vous avez la malice des titres, hein, parce que vous les présentez, mais bon, c'est intéressant de voir que, par exemple, on va tomber sur le cas d'une queue de cheval blonde qui va avoir une importance absolument considérable. Alors, je pense à cette affaire qui est donc l'affaire Collins. Oui. Est-ce qu'on peut retracer les faits de cette affaire Collins qui fait qu'une petite dame a été attaquée? Oui, bien sûr. C'est très intéressant. Donc, c'était dans les années 60, à Los Angeles. C'est intéressant parce que quand on va en arriver au maths, c'était une des premières fois où il y avait eu comme ça quelqu'un qui essayait d'utiliser un argument mathématique à un procès de ce genre. Donc, ce qui s'est passé, c'était que cette petite femme que vous avez mentionnée, Juanita, marchait le long de la rue et elle s'est fait pousser par derrière violemment, elle est tombée au sol et la personne qui l'avait poussée a pris son sac et s'est enfuie avec. Et Juanita a pu lever la tête et voir que la personne qui avait fait ceci était une jeune femme blonde avec une queue de cheval. La jeune femme a couru jusqu'au bout de la rue et il se trouve que à ce moment-là, il y avait un homme qui était dans son jardin. John Bass, qui l'a donc vu, la jeune femme blonde avec le sac. À 2 mètres de lui, hein, donc très près. Très près, il a vu tout ça très bien. Et il l'a vu sauter dans une voiture qui l'attendait là. Il a donc pu voir que la voiture était jaune et que le chauffeur de la voiture était un homme noir avec une barbe et une moustache. Et ensemble, John et Juanita sont allés voir la police. Ils ont décrit les attaqueurs, les voleurs. Et là, Monsieur Kinsey, exactement, le flic, rentre en scène. Alors, il s'est dit, écoutez, c'est une description quand même très, très particulière. Une voiture jaune et un couple interracial, à l'époque, c'était très rare. Donc, il s'est dit, je vais juste aller demander aux gens dans le quartier s'ils connaissent quelqu'un qui ressemble, enfin, qui correspond à cette description. Et il a en effet trouvé un couple assez rapidement. Je crois qu'il allait, vu qu'il savait qu'il avait une voiture, il est allé demander aux endroits aux stations-service, voilà, alentour du quartier. Mais c'est le fils de Juanita aussi qui l'a aidé, hein, avec oui. Malice. Hein. Oui. Et il a dit, je vais aller questionner tout le monde pour savoir s'il n'y a pas une voiture jaune avec un couple qui soit mixte. Un noir, une blanche, avec une queue de cheval. Exactement. Et donc, ils ont trouvé les Collins, Malcolm et Janet, et ils les ont emmenés au poste plusieurs fois, parce qu'en fait, à chaque fois qu'ils venaient au poste, ils essayaient de réussir à leur faire avouer ce qu'ils avaient fait, ou de trouver une vraie preuve, mais il n'y avait pas de preuve dans un sens ou dans l'autre. Il n'y avait pas vraiment d'alibi, parce que les Collins disaient qu'ils étaient chez des amis, mais les amis ne se souvenaient pas vraiment de quelle date c'était exactement. Donc, il n'y avait pas d'alibi, mais il n'y avait pas de preuve dans un sens ou dans l'autre. Personne n'était d'accord sur la couleur des habits que Janet portait ce jour-là. Enfin, il y avait plein de choses. Il y avait rien qui marchait dans un sens ou dans l'autre. Une fois, il était moustachu, une fois, il était glabre. Voilà. On ne savait pas très bien comment conjuguer en plus la barbe et la moustache. Enfin bref, c'était pas très probant, c'est le cas de le dire. Non, et puis Janet, ils les ont interviewés séparément l'un de l'autre. Et Janet a dit des choses un peu peut-être étrange quand elle était interviewée, du genre, si je dis que c'était moi toute seule qui l'ai fait, est-ce que vous le laisser passer, ou ce genre de truc. Mais ça peut être des choses qu'on dit juste quand on aime quelqu'un et qu'on veut. Donc, vous précisez, même dans le livre, d'ailleurs, on peut dire, pour montrer le cas, puisque de toute façon, les couples mixtes en 64 aux États-Unis étaient évidemment dans une atmosphère d'apartheid terrible encore, 64, hein, et où il y avait encore des toilettes et des taxis et des bancs pour les blancs et pour les noirs. Hein. Et là, la chose est étrange parce que c'est très très mal interprété par le Kinsey, le policier, qui se dit c'est une manière de, si elle prend en charge, or elle savait très bien elle que il avait un casier judiciaire. Oui. Et aussi que évidemment il serait beaucoup plus chargé si c'est lui qui faisait de la prison que si c'était elle toute seule. Oui. Sauf qu'il s'était comporté de façon un peu étrange parce que à une des visites, il avait sauté. Il était parti en courant de la maison, il avait fait le tour, il était rentré par la porte arrière et il s'était caché dans un placard. Oui. Donc ça, c'était un peu... Bon, enfin bref, les choses étaient troublantes. Oui. Alors... Et au final, ils ont quand même trouvé qu'il y avait assez de raisons de faire un procès. Donc Malcolm et Janet sont allés en procès. Mais même au procès, encore une fois, il y a eu plein de questions différentes sur la couleur des cheveux de Janet. Est-ce qu'elle avait blondi encore ses cheveux ou au contraire, est-ce qu'ils avaient foncé? Ou est-ce que Malcolm avait une barbe et une moustache le jour du vol ou pas? Enfin, toutes ces questions... Il n'y avait pas vraiment de réponse à toutes ces questions. Donc au final, le procureur, qui s'appelait Ray Sinatar, il sentait ce que Kenzie avait aussi senti quand il était allé chercher les Collins. C'était une description, la description que Juanita et John Bass avaient donnée des attaqueurs était tellement particulière, qu'il y aurait presque personne qui correspondrait à cette description et que vu qu'ils avaient trouvé un couple qui correspondait, c'était forcément le bon. Mais Ray Sinatar s'est dit, pour vraiment pouvoir expliquer ce que je ressens au jury, je vais utiliser un argument mathématique, ce qui était quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait avant. Il était très excité par cette idée. D'ailleurs, quand il a présenté l'argument au procès, il a aussi fait un discours passionné pour expliquer que c'était la nouvelle façon de voir la justice, que la justice devait passer par les nombres et par les mathématiques. Et vous précisez même l'une et l'autre hein, qu'il a fait cette annonce de façon absolument dramatique en disant j'ai l'argument qui tue d'une certaine façon. Oui. Là, avec les mathématiques, il n'y a plus rien à dire. Je vais vous le démontrer. Il avait 3 ans de métier. Il était très jeune, oui. Il avait un copain qui était champion du blackjack et qui était aussi amateur de statistiques et de probabilités, c'est ça. Hein. Exactement. Non, il était très fier de lui. Oui, très content. Et alors ? Il avait le sens du spectacle. Et puis il a quand même appelé l'université locale pour demander à un statisticien de venir l'appuyer dans son argument. Oui. Mais le jour même. Le jour même, oui. Mais tout ce qu'il a demandé aux statisticiens, c'était juste de répéter la règle de multiplication des probabilités dont on a parlé plus tôt. Que donc, si on veut multiplier 2 probabilités, il faut qu'on sache pour sûr que les événements sont complètement indépendants. C'est la seule chose qu'a fait le statisticien lors du procès. Et Ray Sinatar, lui, a présenté son argument, qui était donc le suivant. Il a fait une liste de ce qui, selon lui, étaient les caractéristiques du couple de voleurs. Donc, il y avait des choses telles que... Couple mixte. Allez, je vous aide. Couple mixte, exactement. Voiture jaune. Une Lincoln, pour être plus précis encore. Un homme noir un homme noir avec une moustache et un homme avec une barbe. Ça, c'était deux statistiques séparées. Et ensuite, il y avait une femme blonde avec une queue de cheval, ou une femme blonde et une femme avec une queue de cheval. Encore une fois, 2 statistiques séparées. Donc, on voit déjà dans cette liste... beaucoup d'erreurs. Ah oui. La première, donc, la fameuse queue de cheval, qui ne devrait absolument pas figurer dans une telle liste, puisqu'une queue de cheval, ça peut s'enlever en 2 secondes, donc ce n'est pas vraiment une caractéristique. Et je peux témoigner que Leila Schneps a fait exactement ça. Elle est arrivée avec les cheveux longs quand nous sommes retrouvés, et maintenant elle a un chignon pour répondre à ce micro. Donc, évidemment... Voilà. Femme varie sa coiffure rapidement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est marrant, là, ça, c'est la dernière fois que j'ai présenté, parce que je fais souvent, je parle souvent de ça à des élèves dans des écoles. Et la dernière fois que j'ai parlé de ce cas, il y a une fille qui m'a dit, et aussi, une femme blonde et une femme avec une queue de cheval, c'est pas indépendant parce qu'elle peut que avoir une queue de cheval si elle a des cheveux. Ce qui est tout à fait vrai. Personne ne m'avait jamais dit ça avant. Mais on oublie les femmes qui n'ont pas de cheveux. et les autres caractéristiques qui sont bien évidemment pas indépendantes, c'est un homme noir avec une barbe et un homme avec une moustache. Une barbe et une moustache sont deux... éléments distincts. Voilà. c'est pas du tout indépendant. C'est beaucoup plus commun d'avoir et une barbe et une moustache, ou ni l'un ni l'autre. Sauf si on est amish, alors là on n'a que la barbe et jamais de moustache. Oui, c'est sauf vrai. Qu'on est, voilà, c'est les amish des États-Unis. Bon, c'est bon. Moins. 17e siècle. Moins commun. Ouais, donc on voit, là, on comprend que, évidemment, tous ces critères sont bidons pour aller oui. vite. Hein. Oui, oui, complètement. Pas justifié et donc inconséquent. Alors, il va y avoir une formule quand même à la voilà. fin. Voilà, et donc ce que Ray Sinatra avait fait, c'était qu'il avait fait cette liste de caractéristiques, sans parler du tout d'indépendance ou de ce genre de truc. Il leur avait associé à chacun une probabilité individuelle. Au pif. Et oui, déjà il avait sorti ces nombres de sa tête, il avait je vous demandé aide, à ses critères. J'ai les notes sous les yeux, je vais vous aider. Un homme noir avec une moustache, 1 chance sur 10. Un homme noir avec une barbe, 1 chance sur 4. Une femme blanche avec les cheveux blonds, 1 chance sur 3. Un couple mixte dans une voiture, 1 chance sur 1000. Une voiture jaune, 1 chance sur 10. Une voiture jaune, 1 chance sur 10. Oui, ah, non, c'est... Jeunesse, enfin, bon, quand on voit simplement... Non, peut-être à l'époque. Oui. Bon, il y avait des voitures pas blanches, loin des années noires 70. Et jaunes. C'était voilà. pas la bon, même voilà. époque. Oui. Bon, enfin. Mais bon, et puis en plus, tous ces nombres tout à fait ronds, c'est un peu suspicieux. Mais... Ce qui fait quand même qu'on finit par un dixième multiplié par un quart, multiplié par un demi, multiplié par un millième, et multiplié encore par un dixième, égale 1 sur 12 millions. Alors, évidemment, là, on retombe sur l'argument de tout à l'heure. Hein. 1 sur 12 millions, et vous allez me faire croire que c'est pas celui-ci. C'est tellement improbable, tellement improbable. Une voiture jaune, la queue de cheval, ainsi de suite. C'est bien ça, hein, l'argument. Oui, c'était exactement ça. C'est l'oiseau rare. Donc c'est lui. Ils Donc c'est copains. Forcément, exactement. Alors, qu'est-ce qui s'ensuit? Vous voulez prendre le relais ou vous continuez, Coralie? Eh bien, ça a marché. Malcolm et Janet sont allés en prison. Janet a écopé d'une peine d'un an. Donc elle a décidé de juste faire ses un an et de sortir au bout d'un an. Mais Malcolm avait donc un casier judiciaire, comme on a mentionné plus tôt, et il a écopé d'une peine plus longue, donc il a fait appel. Et lors de son appel, il y avait un homme qui faisait partie de son équipe, de l'équipe pour son appel, qui est d'ailleurs par la suite devenu très connu. On parlait de Laurent Tribe. Oui, de Lawrence Tribe. Oui. Plus tard, il allait écrire un article vraiment très important dont on va probablement parler. Mais à l'époque, il était très jeune, il venait juste de commencer. 26 ans. Il voilà, 26 ans, il venait juste de terminer ses études. Et il se trouve qu'il avait fait des études de maths avant de passer à la loi. Il fait des maths à Harvard et puis d'un seul coup, il devient juriste. Il change de destination. Exactement. Et il a vu exactement tout ce qu'il y avait... était fait comme erreur lors du procès. Et il a écrit une explication très très claire en expliquant exactement ce dont on vient de parler, les événements qui n'étaient pas indépendants. À savoir que lors du procès, l'avocat de Malcolm avait aussi intuitivement compris qu'il y avait quelque chose qui se passait mal lors de cette explication. Il avait compris le problème de la non-indépendance, mais il n'avait pas choisi les meilleurs exemple pour appuyer ses propos. Il avait dit par exemple que d'avoir une femme blonde et un couple mixte n'étaient pas des choses indépendantes parce que les femmes blondes étaient avaient plus le sens de l'aventure que les brunes par exemple, et donc c'était plus probable qu'elles soient dans un couple mixte. Et donc, que un noir qui a une voiture jaune, c'est plus probable parce que les noirs aimaient bien les couleurs vives. C'est ça, oui. Donc, ils n'avaient pas choisi les meilleurs exemples. Mais, en plus, qu'est-ce qu'il dit? En plus, qu'ils étaient époux. Hein, non, personne. Ils auraient pu être amis. Non, voilà, oui, bien sûr. Comment donc ça a été relevé évidemment par Lawrence Tribe. Par Lawrence Tribe. En disant mais c'est quoi cette histoire? Ah, c'est comme les cheveux qui peuvent être en chignon immédiatement en 15 secondes. Oui. Ou en queue de cheval. Hein. Exactement. Donc, Lawrence Tribe a fait un bien meilleur boulot avec ses explications, et Malcolm est donc sorti de prison, mais quand même il est resté en prison 4 ans pour un petit vol. C'était 40 ou 50 dollars, c'est tout. Oui, on peut peut-être tirer tout de suite une conclusion intermédiaire avant de venir au second cas. Quelles sont vos motivations à l'une et à l'autre? Vous avez voulu montrer que, parce que c'est dramatique, et évidemment, vous soulignez qu'il y a des vies cassées, qu'il y a des vies terribles dans leur destin, après cette utilisation qui se présente comme avec la plus grande neutralité scientifique et son infaillibilité. Donc il faut... Là, vous avez senti une responsabilité mathématique ou de la mathématicienne, des mathématiciennes que vous êtes, pour donner ces précisions et faire ce livre? En fait, au début, quand on a vu l'une après l'autre des erreurs judiciaires, on a commencé par avoir une certaine réticence à se demander s'il fallait vraiment utiliser les maths au procès, alors que le jury n'est pas toujours à même de comprendre. Et surtout, ce Lawrence Tribe, le même qui a fait le rapport sur l'affaire Collins, il avait sorti un article qui a eu une influence énorme aux États-Unis pendant une bonne trentaine d'années contre l'utilisation de mathématiques dans les procès, pour cette raison-là. Mais après avoir étudié de plus en plus de cas, je pense qu'on a fini par comprendre qu'il n'y a pas du tout moyen d'empêcher les maths de rentrer au procès, parce que aujourd'hui, dans les procès criminels, il y a beaucoup de preuves scientifiques. Et les preuves scientifiques, on est obligé de les analyser par la statistique. Il n'y a pas d'autre façon de les analyser. Comme on est obligé de le faire, il va y avoir des mathématiques dans les procès. C'est inévitable. Donc maintenant, notre croisade, c'est plutôt de dire que ces mathématiques doivent être comprises et faites correctement, sans l'ombre d'un doute. On n'a plus le droit de faire n'importe quoi. Donc, on s'est dit que c'est une bonne première étape de relever des erreurs qui ont été faites historiquement, des grandes erreurs qui doivent être comprises, reconnues et, dans la mesure du possible, plus jamais faites. Et il y a une, si je vous suis bien, en plus, on peut observer que l'importance des statistiques et des probabilités dans toutes les sciences expérimentales, par exemple, est absolument essentielle. Évidemment, dans la science académique, on ne peut pas imaginer la mécanique quantique sans la question de la probabilité. Absolument inévitable. Voilà, là où il y a science, il y a statistique et analyse. Exactement. Donc, on voit très bien que même si on a un expert en génétique, à un moment, à moins qu'il se double d'une compétence égale à celle qu'il a en biologie, en probabilité et en statistique, il est incompétent. Alors justement, ce serait bien si les juges reconnaissaient la même chose que ce que vous venez de dire, parce qu'en réalité, ce qui se passe quand il y a un échantillon compliqué d'ADN, bon, parfois l'échantillon est très simple, ça identifie quelqu'un et le biologiste est tout à fait compétent pour le dire. Mais il y a des cas vraiment complexes d'ADN mélangé entre plusieurs personnes ou dégradé. Et là, ce qui sort de la machine dans le laboratoire du biologiste, c'est un graphe. Et ce graphe peut être compliqué et là, il peut vraiment nécessiter une application de statistiques d'un très bon niveau. Et très souvent, le biologiste ne sera pas compétent pour le faire. Et j'ai vu des cas vrais où les biologistes se sont trompés en plein milieu d'un procès en interprétant mal un résultat statistique. Alors, en fait, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est avoir un biologiste et un statisticien ensemble. Mais la plupart du temps, ce n'est pas du tout ce qui arrive. Le juge va systématiquement appeler un biologiste et rejeter le témoignage d'un statisticien sous prétexte que lui n'est pas expert en génétique. C'est ça. Alors que, évidemment, sa discipline, surtout que maintenant, en plus, on mobilise, même dans ces sciences-là, des procédures probabilistes qu'on appelle bayésiennes. Hein, absolument. Sont, donc, en plus, la chose devient plus subtile. La science est très en avance par rapport à ce qui se fait, ce qui est admis dans les procès. bien voilà, franchi le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science où nous emmenons les mathématiques au tribunal. Et cela en compagnie de Leïla Schneps et de Caroli Colmez, co-auteur avec un E et un S donc, de ce livre qui s'intitule Les maths au tribunal et qui porte comme sous-titre Quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires. Est-ce qu'on peut dire simplement, parce qu'il est sympathique ce garçon dont vous avez parlé, ce Tribe, il était dans l'équipe d'Obama, c'est ça? Oui, absolument. Il a travaillé à la Maison Blanche et c'est quelqu'un qui a encore une grande influence sur le déroulement de la théorie du droit aux États-Unis et des, pas l'application vraiment, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'il est bon de faire. Enfin, on lui pose ces questions, il a une grande influence. Mais ce n'est pas toujours bien, parce que même si je pense qu'il avait toutes les raisons pour écrire ce qu'il a écrit, les choses ont changé et maintenant, il faut dépasser ça et réintroduire les mathématiques correctes au tribunal. Alors, vous avez du pain sur la planche à côté des mathématiques que vous faites à l'ordinaire. Vous allez peut-être trouver absolument, un thésard là-dessus. Absolument, mais c'est devenu ma deuxième activité et je vais même consacrer entièrement l'année prochaine aux maths dans les procès, à l'étude. On peut en profiter d'ailleurs parce que vous avez un peu la même expérience en Angleterre, Coralie. Vous allez dans les lycées pour expliquer ces cas, justement. Oui. Parce que là, en plus, il y a un cas anglais. On va avoir un cas hollandais maintenant. Non, mais c'est important parce que c'est un peu des deux côtés. Il faut que les experts aux tribunaux soient des experts en mathématiques qui sachent déjà de quoi ils parlent. Ensuite, il faut qu'ils l'expliquent de façon qui soit compréhensible. Mais il faut aussi que le jury ait les connaissances mathématiques, assez de connaissances mathématiques pour pouvoir comprendre ça. Et ça se passe à l'école, ça, parce que c'est probablement le dernier moment où les gens vont apprendre les maths. Donc, c'est important d'en parler aux jeunes. Oui, bien sûr, à ce moment-là. Alors, ultime commentaire pour résumer le premier cas, c'est que évidemment les indices, donc le type d'événement, était complètement mal foutu, quoi. On va retenir ça évidemment, et que là, la multiplication des probabilités à partir d'événements qui tiennent pas debout, on arrive à une espèce de je sais pas, de mayonnaise invraisemblable. Alors, quoi. Ce procureur Ray Sinatar a fait n'importe quoi, mais on lui doit quand même une fière chandelle parce que ce procès est devenu incontournable dans les annales du droit. Et sur cette question, il a quand même posé la question, les mathématiques n'ont-elles pas vraiment leur place au sein d'un tribunal et lors d'un procès criminel? Il a posé la bonne question, il a très très mal répondu, mais on peut lui pardonner, il était jeune, bon, il s'est trompé. Mais la question est fondamentale et ce cas est cité constamment, même aujourd'hui. D'accord. Alors maintenant, c'est après la fille Coralie Colmez, à la maman de Leïla Schneps d'expliquer donc ce cas intitulé Une incroyable coïncidence, l'affaire Lucia de Berck, un bon ange ou bien une tueuse? Et la chose commence très exactement le 4 septembre 2001 à l'hôpital pédiatrique de La Haye, l'hôpital Juliana, où un bébé mort soudainement. Et c'est une petite fille, c'est la petite Amber. Voilà, je vais vous raconter l'histoire d'une infirmière. Alors avant même de commencer l'histoire, je fais la remarque très rapide sur l'incroyable coïncidence que quand on joue à la loterie, on pense qu'on a très très peu de chances de gagner. Et en même temps, on sait parfaitement que quelqu'un va gagner. Et quand quelqu'un, Monsieur X, gagne, on n'est pas du tout étonné. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment du mal à comprendre. Qu'en même temps, les incroyables coïncidences vont forcément arriver. Et c'est des situations qui se produisent dans la réalité tout le temps. Et est-ce que ça ne vient pas d'une confusion avec l'a priori et l'a posteriori, justement, d'une certaine manière? Parce que c'est une fois, on peut dire, ah ben, il a gagné, donc la probabilité s'est réalisée. On fait psychologiquement une énorme différence entre je vais gagner et quelqu'un va gagner. Oui, parce que ça. Quelqu'un, ce n'est pas une personne dans notre tête. Oui. C'est les 99 millions d'autres. Oui. Alors qu'en réalité, c'est une seule personne et la coïncidence est aussi grande. Mais l'intuition nous trompe énormément dans ces questions de probabilité. J'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus d'ailleurs. Je crois qu'on devrait vraiment étudier la probabilité, les paradoxes et les erreurs qu'on peut faire à l'école dès le plus jeune âge. Parce que c'est passionnant. L'intuition, c'est quelque chose qu'on peut former. Kahneman a démontré de toute façon auprès de statisticiens d'une grande école, est-ce que c'était le MIT, je ne sais plus, le prix Nobel donc d'économie, mais qui se double d'un psychologue extraordinaire, en posant une certaine colle probabiliste où des gens très compétents très rapidement absolument. Se trompaient tout le temps. Et donc, on pourrait passer une autre heure un on jour on pourrait là-dessus. Faire une autre émission absolument. Entière là-dessus. C'est, oui, c'est une histoire très connue où l'intuition nous faut voir, mais il y en a tellement. Oui, alors la petite bon, la alors, petite donc anglaise. Cette infirmière, elle était présente donc lors de la mort d'un petit bébé à l'hôpital, très, très malade, un bébé qui était extrêmement malade. Oui, problème au cerveau, problème à l'intestin, problème au poumon, enfin, oui. Elle est vraiment très mauvais état, cette petite fille. Alors, il n'y aurait pas eu de problème, c'est quelque chose qui arrive au sein de l'hôpital tout le temps, c'est normal. Le seul problème, c'est qu'en fait, ses collègues ont remarqué qu'elle avait aussi été présente à la mort précédente d'un enfant à l'hôpital. Et à partir de là, ils ont remarqué qu'en fait, elle était présente à celle d'avant et qu'en fait, elle avait été présente à toutes les morts qui avaient eu lieu à l'hôpital depuis 3 ans. Il y avait peu de morts, hein. Je ne veux pas penser qu'il y en avait 100, il y en avait 6. Mais elle avait aussi été présente à certains cas graves de ressuscitation, de réanimation in extremis. Elle était à chaque fois présente et ses collègues se sont quand même demandé si c'était normal. Ils ont commencé à se demander... Est-ce que c'est juste un hasard extraordinaire ou est-ce que quand même elle fait quelque chose ? Mmh. Il faut savoir que toutes les morts étaient mourants, donc on pensait plutôt en termes d'euthanasie, pas de meurtre, mais peut-être qu'elle les aidait dans ce qu'elle percevait comme leur souffrance. Oui, parce qu'il y a une suite d'événements ce jour-là qui arrivent très vite dans la nuit. Elle n'en peut plus, donc elle doit être aidée respiratoirement, cette petite fille. Il faut tout contrôler. Le bébé, mais Lucia voit qu'elle ne va pas bien. Elle appelle les médecins voilà. viennent, ils l'examinent, mais ils ne pensent pas qu'elle est en train de mourir. Ils la renvoient dans sa chambre, et puis finalement, elle meurt. Et donc, il y a un médecin, une pédiatre, Arda Derksen, qui travaille à l'hôpital, qui décide, après avoir parlé avec les autres infirmières, de faire un tableau où elle note tous les plages horaires où Lucia Deberg, elle s'appelle, donc Lucia, c'est l'infirmière en question, où elle avait travaillé à l'hôpital, et toutes les morts et les ressuscitations auxquelles elle avait assisté. Elle fait une espèce de tableau, et elle trouve ça très inquiétant, elle apporte au directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital contacte les autres hôpitaux parce que Lucia travaille à temps partiel. En fait, elle travaille à 3 hôpitaux différents. Oui, ce directeur s'appelle Paul Smith et il dirige aussi l'hôpital de la Croix-Rouge. C'est ça. Hein, donc, En fait, donc, il fait un tableau similaire pour chacun des autres hôpitaux où elle travaille. Et à chaque fois, il voit qu'elle est étonnamment présente chaque fois qu'un patient meurt. Alors, il pense qu'il y a vraiment suffisamment, rien que ce tableau fournit suffisamment d'indices pour intenter un procès. Donc Lucia est arrêtée, elle est vilifiée dans les journaux. Il faut dire que Paul Smith court aux journaux pour livrer cette histoire immédiatement aux journalistes pour devancer peut-être les problèmes qu'il risque d'avoir d'accusations des familles. Et il présente ses excuses aux familles. Il dit que l'hôpital va faire mais absolument tout ce qui est possible pour réparer la situation. Il y a une petite chose qu'il faudrait rajouter, d'ailleurs, qui est peut-être un indice, c'est que d'abord, c'est classé comme une mort naturelle, et puis après, assez rapidement, d'ailleurs, ça va devenir une mort non naturelle. Et toutes c'est là les morts où vont auxquelles le... Lucia avait assisté étaient classées mort naturelle, et c'était des gens très malades. Mais après coup, les médecins sont revenus sur tous les dossiers et ils ont commencé à se dire « Ah, mais moi, je pensais qu'elle avait encore quelques jours à vivre, cette vieille dame. Moi, je croyais que finalement, et je vais reclasser ça comme mort naturelle, comme mort pas naturelle. » Non naturelle, oui. Alors, en cherchant des indices, des preuves contre Lucia, la police a fouillé tout ce qu'ils trouvaient dans son appartement, y compris son journal intime. Et là, ils ont trouvé une phrase où elle avait simplement écrit quelque chose du genre « Aujourd'hui, j'ai encore cédé à ma pulsion. » Et ils l'ont questionnée, ils l'ont interrogée. Qu'est-ce que c'est ? Elle a dit, en fait, je tire les cartes de tarot. Et c'est interdit au sein d'un hôpital hein, de prédire le futur d'un patient en utilisant le tarot. C'est très, très mal vu au sein d'un hôpital. Mais ça lui arrivait de le faire de temps en temps avec des patients âgés qui appréciaient ça. Et donc, elle a dit, mais moi, c'est de ça que je parle. Mais bien sûr, on ne l'a pas cru. Ensuite, on a commencé, il faut dire que... Les journaux se sont saisis de cette histoire. Elle a été vilipendée, elle a été traitée comme un monstre. Ils ont déterré chaque détail de son passé. Ils l'ont accusée de n'importe quoi. Ils l'ont accusée d'avoir volé des livres qu'elle avait empruntés à la bibliothèque. Et En fait, ils l'ont même accusé d'avoir choisi comme victime des enfants. Il y avait deux enfants musulmans dans le lot, et des enfants musulmans exprès parce que les familles musulmanes n'acceptent pas l'autopsie, c'est donc ça. Pour éviter qu'une autopsie soit pratiquée. Bon, ceci dit, on a quand même pratiqué des autopsies sur tous les cadavres. Et on a pratiquement rien trouvé. Pratiquement rien. En fait, quand on accuse quelqu'un de meurtre, on parle d'opportunité et de mobile. Mais pour une infirmière au sein d'un hôpital, c'est très difficile parce que l'opportunité, c'est toujours là. Une infirmière a accès à tout. Et pour le mobile, bah, ils ont décidé que c'était une question d'euthanasie et une pulsion secrète. Donc voilà. Maintenant, il y avait juste la petite Ambre, donc qui était le bébé qui a déclenché l'affaire, où ils ont cru déceler un taux anormal d'un certain produit auquel Lucia aurait effectivement eu accès. La digoxine. La digoxine, voilà. Oui, mais le taux était un petit peu plus grand que la normale, mais pas beaucoup. Et il y avait en effet un seul laboratoire dans toute l'Europe qui pouvait réellement mesurer correctement le taux de digoxine. Il était à Strasbourg, c'est un laboratoire Strasbourg, français. Voilà. Oui. Donc ils ont fait leurs analyses, ils ont trouvé un taux trop élevé, ils ont envoyé l'échantillon à Strasbourg, mais ça a pris très longtemps et l'histoire a été... Le laboratoire n'a pas rendu le résultat à temps pour le procès. Donc lors du procès... Donc, il y avait toujours le même problème, il n'y avait pratiquement pas d'indices. Il n'y avait réellement pas de preuve médicale, à part ce taux légèrement trop grand de digoxine dans le corps d'un bébé. Et donc, ils ont eu recours, bien sûr, au fameux tableau qui montrait la présence de Lucia à toutes les morts au sein de l'hôpital. Mais le 13 décembre, pardon de vous interrompre, Leïla Schneps, mais le 13 décembre, donc c'est en 2001, quand elle est donc arrêtée, elle est officiellement accusée de 13 meurtres et de 4 tentatives de meurtre. Qui étaient les résultations, qui finalement, les gens n'étaient pas morts. Voilà. Ouais, mais ça, c'était au sein de 3 hôpitaux. Alors, en réalité, dans le seul hôpital, enfin celui où il y avait Ambre, celui de départ, il y avait une demi-douzaine de morts depuis les 3 ans qu'elle travaillait là. Est-ce que les gens n'ont jamais cité lors du procès, c'est que dans les 3 ans précédentes, avant qu'elle arrive, il y en avait eu 7. Donc, 7 avant qu'elle arrive, 6 après qu'elle arrive. Et pourtant, on pense que c'est une tueuse en série. Et ce simple renseignement n'a jamais été introduit au procès. Ça donne tout de suite à réfléchir. Mais alors, c'est juste un nombre de morts qui est normal. Pourquoi on accuse quelqu'un? Au lieu de ça, en fait, on a appelé un statisticien, un témoin expert, pour faire l'analyse statistique du fameux tableau de présence à l'hôpital par rapport au nombre de morts. Un peu fantaisiste, là encore aussi, on le voit. Hein. D'abord, il y avait des erreurs dans le tableau, parce qu'il y en avait où, en fait, elle avait été malade et qu'en fait, elle n'avait pas été présente. Et le statisticien n'était pas vraiment un statisticien professionnel, mais un professeur de droit qui avait fait des études de statistique dans sa jeunesse. Mais on l'a laissé faire le calcul. Alors là, je vais juste parler un tout petit peu de mathématiques. Oui. Il a calculé... pour le tableau, ce qu'on appelle la p-valeur. La p-valeur est une notion très importante qui va faire de plus en plus son apparition dans les procès. La p-valeur prend un ensemble de renseignements et calcule la probabilité qu'elle se produise sous l'hypothèse nulle, ce qui veut dire purement par hasard. Par exemple, que Lucia soit présente à toutes ces morts purement par hasard, sans la moindre intention nocive, sans qu'elle ait rien fait du tout de spécial. Purement comme fruit d'un hasard. Alors, la p-valeur peut être calculé, il y a une formule pour ça, il a calculé correctement, mais ce qu'il a fait, d'abord, il y a eu 2 erreurs. La première erreur, c'est qu'il a calculé les p-valeurs avec les tableaux qu'on lui a donnés, mais il n'a pas vérifié les tableaux lui-même, et il y avait quelques erreurs dans le tableau. Comme il n'y avait qu'un petit nombre de morts, une seule erreur, ça peut changer énormément la p-valeur. Ensuite, il y avait 3 tableaux pour les 3 hôpitaux, et il a multiplié les p-valeurs. Alors là, je vais juste prendre une minute pour expliquer. Pourquoi Prenez on ne peut minute. C'est quand même pas mal comme le premier cas où on ne peut pas multiplier les probabilités d'événements qui ne sont pas indépendants. Oui. Alors, imaginez qu'on calcule le p-valeur pour un des tableaux et qu'on trouve une valeur de 1 sur 100. Ce que ça veut dire très exactement, c'est que dans 1% des cas d'infirmières, il y aura une infirmière dans le même cas que Lucia, qui sera présente à autant de morts. Comme il y a 250 000 infirmières aux Pays-Bas où ce cas a eu lieu... On peut dire qu'il y aura 2500 infirmières dans le pays qui seront dans le même cas d'elle. C'est ça le sens d'un chiffre comme une p-valeur égale à 1 sur 100. Maintenant, si une infirmière, je dis pas ça de Lucia, hein, je dis si il y a une infirmière qui fait un peu plus d'erreurs que les autres, elle se trouve effectivement dans les 2500 infirmières qui font le plus d'erreurs dans le pays, elle aura une p-valeur sur un tableau comme ça de 1 sur 100 et ce sera tout à fait normal. Et si elle travaille dans un deuxième hôpital, pour la même raison, elle aura aussi une p-valeur de 1 sur 100 et un troisième aussi une p-valeur de 1 sur 100. Et ça veut dire qu'elle est dans le 1% des infirmières peut-être les moins bien entraînées, qu'elle devrait peut-être suivre un petit stage de formation. Mais certainement pas que toutes les 2500 infirmières dans le même cas soient meurtrières. Or, si maintenant, tout d'un coup, on se met à multiplier les trois p-valeurs, tout d'un coup, on a un centième fois un centième fois un centième, ça fait 1 sur 1 million. C'est 4 fois plus que le nombre d'infirmières dans tout le pays. On se dit, mais cette infirmière est totalement catastrophique, tout le monde autour d'elle va mourir, elle est meurtrière. C'est une p-valeur plus que suffisamment petit pour avoir de véritables soupçons d'intention nocive. Là, Ilachnep, on retombe sur le cas de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à nouveau, on a un chiffre absolument considérable et qui montre, comme argument pour ceux qui sont les accusateurs, regardez, c'est tellement improbable que c'est obligé que ce soit elle. Exactement. C'est ce qui s'est passé. C'est pas le bon raisonnement et surtout, c'est pas la bonne multiplication. Oui, en plus, le test de Fisher qui est pas adapté, vous expliquez. Le test de Fisher marche très bien si, sur un tableau, un seul, sans les multiplier, qui est parfaitement bien fait. Oui. Mais malheureusement, le tableau n'était pas bien fait, en partie parce que, bon, je vais y arriver dans une minute, mais pourquoi le tableau n'a pas été bien fait? Je vais revenir à ça. Mais là, je voulais juste dire le chiffre fatidique. Donc, cet expert qui n'était pas vraiment un expert a dit qu'il y avait une chance sur 342 millions que Lucia ait été présente à toutes ces morts purement par le hasard des distributions des plages horaires des infirmières. Et donc, il a vraiment dit au juge, en parlant directement au juge, il a dit, il y a plusieurs possibilités pour expliquer. Peut-être c'est une très très mauvaise infirmière qui fait des erreurs mortelles. Peut-être elle choisit les patients les plus durs. Peut-être elle travaille toujours la nuit. Il paraît qu'il y a plus de patientes qui meurent la nuit. Et on l'a posé toutes ces questions à Lucia. Mais écoutez, est-ce que vous êtes vraiment une infirmière compétente? Elle a dit oui, je suis une infirmière vraiment compétente. Est-ce que vous choisissez les cas les plus durs? Je choisis absolument pas les cas. Je vais là où on me dit d'aller. Elle a refusé tout. Elle a dit non, c'est un hasard. C'est un hasard pur et simple. Elle se voit le piège qui se referme sur elle. Ce monsieur la regarde dans les yeux, lui dit... Ce qui vous est arrivé n'est pas possible. Elle dit, mais ça m'est arrivé. Je sais que ça m'est arrivé. C'est ça l'incroyable coïncidence, en fait. Ce qu'il faut dire, hein, peut-être qu'on peut aller tout de suite à la conclusion et faire quelques commentaires, c'est qu'elle va être évidemment accusée de la peine la plus dure qui est... prison à vie avec traitement psychologique suivi dur. Psychiatrique. Suivi psychiatrique, drogue, et traitement grave et prison à vie sans aucune possibilité de liberté. Oui. Et je... Par chance, quelqu'un va s'occuper, enfin, deux personnes vont s'occuper. Je coupe, elle a fait appel, elle a perdu, elle a refait appel devant la Cour suprême, elle a perdu, et elle n'avait plus aucun recours pour elle, c'était fini, elle a eu une attaque cérébrale au sein de la prison, elle était à moitié paralysée, enfin, sa vie était la pire catastrophe qu'on puisse imaginer, un véritable cauchemar. Et c'est là où... La belle-sœur du médecin qui s'est occupée du cas tout au début, sa belle-sœur justement lui a parlé du cas, elle allait très mal. La belle-sœur, Meta Denou, elle s'appelle, elle a vu que sa belle-sœur, celle qui était médecin à l'hôpital, qui s'est occupée au début de faire le tableau, elle s'était récusée en tant que témoin en procès, elle se sentait quelque part mal, et cette belle-sœur, donc Meta Denou, qui avait un frère statisticien, Tom Dixon a décidé de regarder tout ça de très très près. Ils sont allés ensemble à l'hôpital, Meta Denou est médecin, Tom Dixon est statisticien. Ils sont allés ensemble à l'hôpital, ils ont regardé absolument tous les cas. Ils ont trouvé d'abord des erreurs dans le tableau, entre autres, et c'est ça le plus parlant, il y a des ressuscitations qui n'avaient pas été comptées dans le tableau parce que... En gros, parce que Lucia n'avait pas été présente, donc ça n'avait pas été considéré comme grave. Et d'autres... indistinguable, qui avait été comptée, où elle était présente. Ça peut sembler des petites choses, mais ça change la p-valeur complètement. Et d'autant plus quand on en multiplie 3. Donc, ils ont refait tous les calculs et ils ont retrouvé une p-valeur, mais beaucoup plus raisonnable. Maintenant, vous vous souvenez peut-être mieux du vrai chiffre que moi, mais c'est quelque chose comme 1 sur 2000. Oui, c'est ça. Voilà. Et ils se sont battus. Il y a une commission de dernier recours aux Pays-Bas, comme dans tous les pays. Et pour... Amener un cas devant cette commission, l'accusé ne peut pas le faire. Il faut vraiment des témoins extérieurs qui insistent. Et là, ils ont créé une commission qui a été rejointe par d'autres statisticiens. C'est un des cas que je suivais de près qui m'ont vraiment motivée à m'immiscer, moi, dans ces histoires de statistiques dans les cas criminels, qui ont réussi à faire ouvrir le cas. Et entre autres, ils ont aussi récupéré finalement le résultat du laboratoire à Strasbourg, qui a montré que le taux de digoxine dans le corps de la petite fille était absolument normal pour un cadavre et n'avait strictement rien de suspect. La densité était normale dans toutes les c'était parties du corps, normal, c'était en fait. Normal qu'il y ait ce gradient de présence implacablement. Alors il y a évidemment quelqu'un qui va vous souligner la chose, qui va écrire un ouvrage, reconstruction d'une erreur judiciaire qui va avoir beaucoup d'importance. Vous signalez que il va y avoir une pétition aussi qui va courir, enfin elle va être défendue. Ah oui, oui, non, mais du moment où la commission de dernier recours s'en saisit, d'ailleurs c'est la même chose qui a sauvé Sally Clark. Hein. Exactement, oui. Et qui a aussi été saisie par des statisticiens de la Société Royale de Statistique en Angleterre. Et le cas a été ouvert et elle a été disculpée, tout a été revu, elle a été disculpée, elle a été libérée, elle a eu une compensation. Malheureusement, pour notre renseignement, elle n'a pas le droit d'en parler. Donc, pourquoi? Ça fait partie de la négociation qu'ils ont eue avec elle. La compensation contre son silence. Bon. Elle a écrit un livre hein, sur son expérience, mais il y a beaucoup de choses qu'elle n'a pas eu le droit de dire, y compris le montant de la compensation. Bon, ce n'est pas la peine d'entrer là-dedans. En tous les cas, Ton Derksen, lui, il a écrit un livre très complet sur cette affaire. Donc, et ça révèle vraiment beaucoup de choses et beaucoup d'erreurs à ne plus jamais faire. Alors pour ceux que ça intéresse, peuvent aller voir, donc vous citez dans votre ouvrage, donc ce livre a été écrit en langue batave, et il y a deux chapitres qui ont été traduits en anglais, donc vous me disiez, on peut les retrouver sur le site, oui. Sur un site qui les donne. Peut-être que le livre a été traduit maintenant, je ne sais pas. Peut-être que le livre peut-être. En tout cas, c'est bien le 14 avril que Lucia de Berck est déclarée innocente définitivement. Oui, mais elle a passé plusieurs années en prison. Bien sûr, bien dans sûr. Dans des conditions vraiment, mais terribles. Terribles, oui. Vous avez un commentaire là, outre-Manche, d'une certaine manière, puisque vous parlez de ces cas, Coralie Colmez, en Angleterre. Oui, je voulais juste dire, enfin, c'est peut-être juste un truc sur lequel on n'a pas encore touché, mais c'est qu'il y a eu aussi des cas, on n'a pas vraiment le temps d'en parler maintenant, des cas où les maths ont été faites complètement comme il faut. Et ça n'a toujours pas marché parce qu'il y a eu une incompréhension, le juge n'a pas compris et donc il a décidé de ne pas accepter le calcul ou le jury n'a pas vraiment compris. Donc il peut y avoir des problèmes vraiment à chaque étape et c'est quelque chose de très important parce que ces calculs de statistiques sont, on l'a vu, beaucoup plus vrais que notre intuition. Notre intuition est très souvent fausse. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment voir comment ça peut marcher. Ouais, à toute étape. À toutes les étapes, oui. Mais ce qui voudrait dire pratiquement qu'il faut des auxiliaires statisticiens probabilistes dans les cours, quoi. À la limite. D'abord, il faut absolument étudier ça à l'école. Ensuite, il faut absolument étudier ça quand on fait du droit. Et finalement, chaque côté, accusation et défense, doivent avoir des auxiliaires statistiques pour travailler l'évidence scientifique avec eux. Voilà. Alors, je ne sais pas l'efficace, mais en tout cas, cette saison de Continent Science, par trois fois, on a abordé les statistiques et les probabilités avec la question donc, des probabilités dites subjectives, donc bayésiennes, avec aussi un exercice de probabilité pour le bac blanc. Et puis aujourd'hui, ben voilà, on a amené avec vous Leila Schneps et Coralie Colmez, les mathématiques au tribunal. C'est ainsi que s'intitule votre livre et dont le sous-titre, je le répète encore, quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires. C'est un ouvrage qui est publié dans la collection Sciences Ouvertes aux éditions du Seuil. Juste un petit mot à rajouter, non, de conclusion pour l'une et l'autre. Oui. Étudions les maths, apprécions les maths, cherchons à comprendre les maths et il faut arrêter complètement avec le dégoût et l'horreur des maths. Maintenant, il faut vraiment changer la société. Très bien, mais voilà, on est au terme de cette émission de Continent Science. Merci de votre attention et de votre fidélité. Vos remarques restent, bien sûr, et vos critiques toujours les bienvenues. À la console technique, aujourd'hui, Jacques Hubert. Pour la documentation, Thierry Beauchamp. À la réalisation, bien sûr, d'Annie Journeau, Stéphane Delis-Georges. Continent Science est balado diffusé. Vous avez donc l'éternité pour l'écouter et aussi une grande année pour la télécharger.